Je suis abonné à ton sourire, mais l'abonnement est résilié, j'ai pas envie de rire. Seul devant la télé, je soupire. Sans toi, je m'ennuie à mourir. Mais qu'importe ici, on danse en amour. Donnerais-je en échange un Bloody Mary ou quelques mélanges pour oublier toutes ces nuits enfiévrées dans le bayou inextricable de nos baisers? Et qu'importe ici, on danse en amour. Nous sommes dangereusement enfoncés. Pourras-tu un jour me pardonner? Pour m'éloigner, j'ai retrouvé ma Bretagne, où une terrible torpeur me gagne. Qu'importe ici, on danse en amour. Jamais je ne me réveillerai. La mort seule me délivrerait au pays des Korrigans. Je me console d'avoir perdu tous mes repères, tous mes pôles. Mais qu'importe ici, on danse en amour. Qu'importe ici, on danse en amour, on ne recule pas, on avance. Jamais je ne me réveillerai. La mort seule me délivrerait. Sans toi, je m'ennuie à mourir. À mourir.